Pour le moment, je circule sur une route à caractère prioritaire. Ce panonceau informe que j'approche d'une intersection et que la route prioritaire tourne à droite. Pour ma part, je veux tourner à gauche, donc je vais quitter la route prioritaire. Je devrais donc céder le passage aux usagers de droite, mais pas à ceux d'en face, qui circulent sur une route non prioritaire, équipée de stop ou de céder le passage. Réponse A et D.